Bonjour. Il y a des choses peut-être que c'est pas trop clair. Si je fais des dessins, c'est pas pour le dessin, c'est pour ce qu'il y a en arrière, derrière le dessin. Donc, par rapport là, si on prend ça, c'est le macrocosmique. Comme ça. Va falloir que je m'achète un autre crayon. Ça, c'est le macrocosmique, donc le systémique. Ici, il y a le cosmique. Il a été dit. Le centre est partout et la circonférence nulle part, mais en fait, la circonférence est partout et le centre nulle part. Mais ça, bon, on en reparlera. Bon, donc, vous avez ici le macrocosmique, c'est-à-dire le systémique. Vous avez ici le cosmique. Vous avez le microcosmique ici. OK. Puis vous avez ici là, le mémoriel. D'accord? Là, anciennement, ici, là, pour avoir un lien avec le mémoriel, il y avait ici des formes qui étaient par rapport aux religions, comme la Bonne Sainte-Anne. La Bonne Sainte-Anne, on la place ici. Mais là, maintenant, vous pouvez avoir un intermédiaire avec le cosmique, comme par exemple le double. Ça fait que la Bonne Sainte-Anne perd ses culottes, si vous voulez, là, puis là, ça passe. D'accord? Vous avez les scientifiques qui ont une vision mécanique pure, eux autres sont en contact avec du systémique, mais ici, par ici. Il n'y a pas ça passe pas par des intelligences au sens où on peut l'entendre, là. Donc, ici, bon, vous avez le microcosmique, la Bonne Sainte-Anne perd ses culottes, le rayon serait jusqu'à une forme intermédiaire qu'on peut appeler le double. S'il y a des affaires comme des guides célestes, là, ce serait ici, là. Parce que c'est pas une forme organisée comme les religions, là, qui seraient ici par rapport au mémoriel. Donc, ici, vous avez là, le double, ce qu'on a appelé le double, puis tout ça. Ça, si ça devient un chemin vers le plan mental, ben, à un moment donné, c'est le double là, qui passe ses culottes, puis le rayon, il sera encore plus. Puis là, il y a un contact là, avec ce qu'on pourrait appeler les intelligences du plan mental. Parce que là, ça, c'est une mentalisation du systémique, si vous voulez. Si on le voit un peu comme le noyau d'une cellule, c'est une mentalisation du systémique. Ça va faire une individualisation du plan mental. Donc, le cosmique est une mentalisation du systémique. Et ici, le microcosmique devient une individualisation du cosmique. Mais à long terme, le but de tout ça, qui fait que ici, l'intelligence s'individualise, ça va être que le rayon se rende là, là. Il y a un autre espace ici. À partir de ce moment-là, il va avoir une individualisation du systémique. Donc, rendu là, l'être humain possédera des technologies moléculaire, il possédera des technologies fréquentielles, donc à une large échelle, il sera capable de matérialiser, dématérialiser des choses. Et puis le rayon, c'est le rayon, là, la multidimensionnalité, là, si vous voulez. Une fois qu'il y a une intégration du rayon, là, il y a un retour, puis là, il va avoir un dynamisme. OK, qui fait que s'il y a une individualisation du systémique, puis un retour. L'ego, à ce moment-là, va être une identité là, réelle, de plus en plus sciente d'elle-même, mais vous savez, là, ce qui était dit, là, que connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers et les dieux, c'est ça, là. Mais on n'est pas encore là, là. Là, pour l'instant, ce qu'il y a eu de plus loin, c'est vers ici, là. D'accord? Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler du système cellulaire puis de l'atomique, au sens où il y a ce qui relie là, les choses, et puis sinon, il y aurait une coupure entre les plans. Mais il n'y en aura jamais de toute façon. Dès qu'une forme, il y a un blocage, il y a une perte d'énergie, puis ça va engendrer là, à ce moment-là, c'est là que vous avez des phénomènes comme des gens qui perdent la raison, qui tombent malades. Donc, j'ose espérer que c'est clair, puis disons que c'est ça qui est ça.